Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Il a une tête invraisemblable, tout droit sortie du laboratoire d'anatomie comparée du Muséum d'histoire naturelle. Elle n'est pas sans rappeler les Néandertaliens, avec ce crâne en poire William qui n'en finit pas, sorte d'alien de E.T., si ce n'est ce menton qui le rattache sans aucun doute à la lignée des Sapiens Sapiens, l'homme moderne. En tout cas, une chose est sûre, sans aucune xénophobie, il n'est pas de chez nous, et à défaut de l'espace, ne peut provenir que de quelques contrées fort lointaines. Pour en parler, et pour parler de cette découverte tout juste sortie de terre, deux spécialistes. Éric Bouès, Yaroslav Levedinsky, bonjour. Bonjour. Bonjour. Éric Bouès, vous êtes anthropologue, biologiste, adjoint scientifique à l'INRAP, où vous avez en charge toute la recherche alsacienne. Vous serez aujourd'hui notre spécialiste du squelette. Enseignant à l'INALCO Langso, Yaroslav Lebedinsky, vous savez tout des sociétés guerrières, des steppes, ceux que l'on nomme Alain, Sith, Sarmat, mais aussi Sas, Hun, Rouen-Rouen ou Karakhanide. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Éric Bouès, les archéologues aiment les mots. Ils évoquent d'ailleurs volontiers la diachronie. Justement, du diachronique, il y en a sur le site d'Aubernais. Alors, un gros mot, mais enfin, vous en avez prononcé plein d'autres avant. Alors, vous nous avez fait peur. Bah, diachronique, oui, alors c'est vrai que ça rappelle un peu la vision de Louis XIV qui découvre l'Alsace avec une image de grand jardin avec plein de monde. Bah, finalement, ce chantier d'Aubernais, c'est un peu ça, quoi. Avec plein de monde, mais alors toutes les époques. Et puis ça corrige un peu l'image d'une archéologie stratifiée, parce que c'est toutes les époques, mais au même niveau. Formidable. Alors en tout cas, les premiers visiblement à s'installer, ce seraient des tombes découvertes, des tombes néolithiques, des individus parés bien sûr de bijoux appartenant à une culture au nom encore très curieux, grosse gartache. Alors grosse gartache, vous exagérez encore un gros mot. Alors oui, c'est une culture, un groupe de population du néolithique moyen qui a été trouvé sur ce site. Alors c'est un petit ensemble funéraire assez intéressant parce que c'est des populations qui aiment beaucoup les parures, par exemple. Alors, il y a des petites parures en coquillage, en moule d'eau douce. Et c'est des populations assez intéressantes parce que, du coup, elles se confrontent les unes aux autres. On voit beaucoup de mouvements culturels. C'est un peu l'histoire de cette région assez mouvementée. Et ça nous fait déjà un petit relais avec ce qu'on verra par la suite. On serait dans le début du 5e millénaire, les années 4900 de notre ère, avant notre ère. Oui, voilà, on est dans ces eaux-là. Et puis, c'est un petit ensemble funéraire qui est assez bien conservé, parce que c'est une région où les ossements vont bien se conserver. Ce n'est pas le cas partout. Et du coup, on a la possibilité dans cette région d'avoir des ossements. Alors, pour les anthropologues, biologistes, comme vous l'avez évoqué, c'est précieux, parce qu'on arrive à avoir des échantillons de population, toutes périodes confondues. Et c'est un cas unique, en fait, à l'échelle nationale. Ce sont des tombes simples, déjà collectives. Les gens sont regroupés. Quelles pratiques ? Alors là, on a des vraies nécropoles. Les gens de plusieurs villages, hein, on ne sait pas trop comment tout cela fonctionne. Enfin, ce qu'on constate, c'est qu'on a des ensembles funéraires, potentiellement pour cette période, avec déjà plusieurs dizaines, centaines d'individus. Donc c'est un mouvement qui a perduré très longtemps, hein, jusqu'à nos jours. Et c'est assez amusant de voir qu'il a commencé dans cette période assez ancienne, avec ces grands cimetières, où l'on revient pour se recueillir sur les gens qui sont décédés. Et puis du Gaulois, il y en a aussi, au travers d'une sorte de très très grosse ferme. Alors une grosse ferme, alors du coup on dit très très grosse ferme, parce que presque on ne sait plus si c'est vraiment une ferme ou si c'est autre chose. Alors du coup, oui, un grand fossé qui délimite un espace avec quelqu'un, un propriétaire terrien assez important pour cette période gauloise. Et les spécialistes qui travaillent sur ces questions commencent de plus en plus à s'interroger sur la fonction de ces très très grosses fermes. Finalement, voilà, peut-être des fermes qui ont plusieurs sortes de fonctions. Et... avec peut-être une fonction rituelle, parce que l'on pourrait être aussi sur une sorte de sanctuaire, c'est bien ça ? Bah, du coup, tous les objets qu'on va trouver autour de cette très très grosse ferme, évidemment, posent question. Des objets qui rappellent effectivement des fonctions autres que celles attribuées normalement à une ferme, hein, des objets militaires, cassés ou non. Alors effectivement, on se pose la question de plus en plus du rôle, hein, de la fonction de ces fermes dans le fonctionnement gaulois. Alors, avec par exemple ces boucliers, ces parties centrales de boucliers, ce que l'on appelle des imbauts, qui ont été visiblement martelés, sacrifiés, pour qu'ils ne soient plus utilisés. Des imbauts, des éléments de lance, effectivement. Donc on voit bien qu'il s'est passé des choses. Hein. Donc ça, c'est un peu le travail de l'archéologie, hein, de fonctionner sur des objets qui sont retrouvés dans un contexte, et puis on essaie de faire le lien entre tout ça. Et ça génère souvent beaucoup de surprises. Hein. Donc ces grandes fermes gauloises, effectivement, on se rend compte qu'elles sont plus nombreuses que l'on imaginait, qu'elles ont une typologie bien plus importante que ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça ouvre sans cesse des questions. C'est le travail de l'archéologie. Et puis continuons dans la diachronie. Juste à la fin du chantier, comme cela arrive souvent, c'est du romain qui émerge avec quasi de la colonnade. Forcément un peu de romain, parce que vous avez dit qu'il y avait toutes les périodes, donc forcément les romains sont passés sur ce site, effectivement. Alors probablement en lien avec cette occupation gauloise, hein, les romains souvent se sont installés dans les environnements déjà occupés avant eux par les gaulois. Il y a une zone de carrefour, un carrefour routier, et les archéologues ont trouvé un bâtiment, un édifice lié probablement à une fonction de bain qui est assez important, avec une colonne quasi complète. Je crois bien que c'est l'une des premières trouvées dans cette région de l'Est. Pourquoi Aubernais est-il si riche archéologiquement? Il y a une raison particulière? Bah, du coup, parce que là, vous avez tout. Absolument toutes les époques se succèdent. C'est riche, mais alors c'est bête à dire. Mais c'est simplement parce qu'en fait, c'est une grosse surface qui a pu être décapée. Donc du coup, quand on a la possibilité d'ouvrir, hein, le sol sur 7 hectares, hein, je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même... C'est énorme, c'est gigantesque. Hein. Donc c'est tout d'un coup une image du paysage ancien là, qui apparaît sur des surfaces très importantes. Et donc c'est une des raisons aussi, bien sûr, de l'ensemble de ces découvertes. Et tout était associé, les structures romaines avec le gaulois avec le néolithique? Voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, quand même. Cette image de stratification, chaque période apportant sa couche, hein, de vie, on pourrait dire. Mais là, souvent, l'archéologie, c'est tout à fait autre chose. Hein. Je pense que les gens le voient de plus en plus, hein, avec ce travail de pelle mécanique qui va ouvrir le sol. Hein, on décape le sol jusqu'à un niveau d'apparition des vestiges archéologiques. Mais curieusement, c'est un seul niveau d'apparition. Et les sites, les découvertes du néolithique côtoient effectivement les périodes romaines, les périodes du Moyen-Âge. Là, tout est au même niveau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas passé plein de choses. Le sol a évolué, il y a beaucoup d'événements. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut beaucoup d'archéologues aussi pour travailler sur ces sites. Alors, venons-en à notre sujet, Eric Bouès. 18 sépultures alignées sur 4 rangées, orientées ouest-est. Jusque-là, tout est normal pour des tombes du haut Moyen-Âge. Alors jusque-là, tout est normal. Hein. Là, pas de souci. On a un petit ensemble funéraire avec donc une occupation qui a forcément probablement pas duré très très longtemps. Voilà, c'est le mode d'inhumation de ces populations à partir du IVe siècle que l'on connaît par ailleurs. Mais celle-ci, donc, a certaines spécificités. On a le village à côté? Alors non, là, on n'a pas le village. Mais là, on est vraiment confronté à un petit groupe, en tout cas, qui a décidé d'inhumer ses défunts à cet emplacement. C'est quoi? C'est une petite famille, un petit regroupement familial, voire peut-être un peu plus? Écoutez, 18 ans, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Là, on peut imaginer que, effectivement, c'est un petit groupe. Maintenant, dire si c'est un village, là, il faudra poser la question aussi à mon voisin. Je pense que voilà, c'est des gens qui sont peut-être amenés à beaucoup se déplacer. Donc on a une image de décès liée à un temps d'occupation à cet emplacement d'Aubernais. En tout cas, les archéologues n'aiment pas particulièrement les beaux objets, mais dans la tombe la plus riche, une défunte était quand même parée d'or. Ah mince, de l'or. Ouais, il y a un petit peu d'or quand même, effectivement. L'or, c'est quand même, quand on est une jeune femme, hein, toutes les périodes, on aime bien quand même des bijoux en or. Alors effectivement, il y a quelques petites épingles, pas nécessairement... alors il y a aussi des objets qui sont liés peut-être à l'assemblage de linceuls, hein, il faut aussi voir cet aspect-là. Mais il y a un très beau peigne, des éléments qui sont attachés à la ceinture de cette jeune fille. On retrouve de l'ambre, effectivement, de l'argent... Donc de beaux objets, effectivement. Des épingles, mais aussi ce que l'on appelle des châtelaines. De quoi s'agit-il ? Ça, c'est le petit élément qui qui est accroché à la ceinture et qui va regrouper des objets du quotidien de la personne. De l'ambre, on en trouve régulièrement dans les tombes mérovingiennes ? Alors là, je ne saurais pas trop vous dire, mais oui, c'est un élément classique. C'est quand même une composante un peu, je dirais, d'influence nordique, on va dire, hein, puisque ce sont de l'ambre importé de la zone baltique. Et depuis la protohistoire, ce sont des objets précieux importés depuis ces régions-là et qu'on apprécie. Et puis, il y a un petit miroir. Vous connaissez ce mobilier, Yaroslav Lebedinsky ? Oui, certains éléments du mobilier sont relativement classiques de la période et se retrouvent chez différentes populations barbares, notamment germaniques. Le miroir, lui, est d'une toute autre origine, puisqu'il nous renvoie à la culture des Alains et des Sarmates, c'est-à-dire des populations nomades de langue iranienne qui occupaient, durant le Haut Moyen-Âge, enfin à la fin de l'Antiquité, les steppes ukraino-russes, le nord du Caucase et une partie de la plaine hongroise. Et ce miroir est l'un des marqueurs les plus caractéristiques des déplacements vers l'ouest durant les grandes invasions de ces populations sarmates et alènes. Il est comment ce miroir ? Vous pourriez le décrire ? C'est un objet discoïdal en bronze de quelques centimètres avec une face lisse, enfin une face qui était lisse, et une autre qui porte un motif rayonnant qui recouvre probablement une symbolique solaire. C'est déjà des choses que l'on a retrouvées en Gaule, des choses que l'on connaît, que l'on a retrouvées ? C'est le quatrième miroir de ce type qui est retrouvé sur le territoire de l'ancienne Gaule, et c'est le septième qui est connu à ce jour en Occident. On en a trouvé aussi déjà en Alsace ? On en a trouvé un en Alsace qui est d'ailleurs à peu près identique, dans une tombe de Hochfelden, qui était la tombe d'une femme appartenant certainement à l'une des ethnies barbares qui se déplaçait à l'époque dans l'est de la Gaule. Ce sont des objets qui sont liés spécialement à des femmes ? Où des hommes peuvent porter ce genre de miroir ? Ce sont des objets qui, dans la très grande majorité des cas, se trouvent dans les tombes féminines, où ils sont d'ailleurs, ça n'est pas le cas ici, souvent brisés. Il semble qu'un rite funéraire ait voulu qu'on brise le miroir avant d'en déposer les morceaux complets dans la tombe. Et la symbolique du miroir était apparemment assez forte, c'est-à-dire qu'en dehors de son rôle d'objet quotidien, d'objet de toilette, il avait certainement une symbolique que reflètent d'ailleurs les motifs qui se trouvent au revers de ces objets. Il y a aussi un peigne absolument superbe, un peigne en os, je crois, représentant des animaux sur chaque côté. Vous connaissez ce genre de choses, Riel ? Oui, c'est un modèle de peigne avec des protomées de chevaux, donc des têtes et coups de chevaux de chaque côté, relativement classique, enfin connu à plusieurs exemplaires dans les cultures barbares de l'époque. On en a trouvé dans différentes régions de France d'ailleurs, et bien entendu ailleurs en Occident. Alors parmi le reste du mobilier, il y a bien sûr des perles, des sortes de fibules, des petites pinces aussi. Tout ce mobilier, pour vous, est assez cohérent de cette période mérovingienne ? Il est cohérent dans sa diversité parce qu'on est à une époque qui donc précède en fait la période mérovingienne à proprement parler, qui est cette période des invasions de la fin du IVe et de la première moitié du Ve siècle, invasion déclenchée par les mouvements des Huns en Europe orientale, et au cours de laquelle les élites des différents peuples barbares se mélangent et s'empruntent des attributs de pouvoir et de prestige social. Ce qui fait que dans ces assemblages des IVe, Ve siècle, on trouve très fréquemment les mêmes objets dont les origines remontent à des cultures différentes. Les uns proviennent de la culture des Sarmates et des Alains, d'autres de différentes cultures germaniques, certains sont romains d'inspiration, et d'autres sont spécifiquement uniques. Éric Bouez, vous êtes d'accord à peu près avec cette datation, le 4e, 5e siècle, ça pourrait pas être un petit peu plus tardif, le 6e ? Alors là, moi, vous l'avez dit, je suis anthropologue, biologiste. Alors là, pour le coup, c'est les archéologues qui font les datations. Alors, je me retourne vers Yaroslav Lebedinsky. Vous dites le 4e, 5e, ça pourrait pas être un petit peu plus tardif ? J'en doute un peu, à moins que ces objets... Quels sont les éléments qui vous donnent vraiment conservés ensemble longtemps. On ne connaît pas en Occident de miroirs de type sarmatolin qui soit postérieur au 5e siècle. Pour ce qui est des peignes également, c'est plutôt fin du 4e et 5e siècle. Et on va bien entendu parler abondamment de cette fameuse déformation crânienne ou modelage crânien qui est également quelque chose qui entre en Gaule avec la période des invasions. Éric Boës, mais la plus étrange, le plus étrange, ce n'est bien sûr pas les parures, ce sont ces crânes, les crânes de certains individus. Visiblement, vous en avez deux, ces crânes en forme de poire William. Quelle est donc cette déformation si particulière? Peut-être une maladie congénitale? Alors, ouf, on est rassuré, hein, pas d'alien, pas, rien de tout ça. Alors, c'est une pratique qui surprend, c'est vrai, quand on voit la photo, enfin les auditeurs peuvent aller sur le site de l'INRAP pour voir cette photo qui quand même surprend tout le monde. En fait, curieusement, c'est une pratique de déformation qui est connue dans le monde entier. En fait, on trouve vraiment sur tous les continents. C'est une manière en fait de travailler le corps. Hein, on le fait dès le plus jeune âge. Et volontairement, on va former le crâne. On va utiliser sa plasticité au moment de la croissance chez l'enfant pour lui donner une forme allongée. Allongé vers l'arrière. Alors, comment cette déformation est-elle pratiquée? Probablement très tôt, et on applique quelque chose sur le crâne pour le déformer? Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est une bonne connaissance de ce qui permet la croissance, le développement du cerveau, hein, puisque le crâne assemblé de différentes pièces, en fait, va s'ouvrir progressivement pour permettre le développement du cerveau. Donc, on peut exercer un certain nombre de contraintes durant cette croissance, mais évidemment, on ne peut pas exercer n'importe quelle contrainte, puisque trop de contraintes empêcheraient le développement du cerveau et des lésions neurologiques. Donc là, c'est un système de contraintes, hein, qui est fait savamment en connaissance de cause, si on peut dire, et qui permet de compenser par des pressions qui sont faites par des bandages, hein, là, très, très certainement, sur le front et à l'arrière du crâne, et qui permet, par compensation, en évitant que le crâne se développe sur les côtés vers l'avant, bah, se développe vers l'arrière, tout simplement. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons les fouilles d'Obernai avec Éric Boës, anthropologue, et Yaroslav Lebedinsky, spécialiste des nomades des steppes. Cette déformation, c'est aussi la déformation la plus anciennement connue, je crois. Alors non, parce que du coup, là, on est confronté à une déformation, oui, plus anciennement connue, c'est-à-dire que c'est un type de travail sur le corps, effectivement, qui a débuté très tôt. Et on le connaît dès le néolithique, hein, c'est un ancrage qu'on connaît dans les populations méditerranéennes, par exemple. On a effectivement des pratiques de déformation, et on a deux types d'interventions sur le crâne, les déformations volontaires et les trépanations. Et curieusement, c'est des actes quand même très importants, hein, sur la tête, sur le crâne, sur son anatomie intime, hein, notamment pour les trépanations, et elles sont effectivement connues dès le néolithique. Donc le fait de les retrouver sur ces populations d'influence steppique, enfin d'origine steppique, c'est pas surprenant. Mais par contre, c'est un révélateur social tout à fait important, puisqu'il a été remis au goût du jour régulièrement au cours du temps. Donc c'est bien pour une bonne raison, on va dire. Cette déformation existerait dès le 7e millénaire. Les trépanations sont bien sûr très connues dans le néolithique. Il se trouve que vous, à Obernai, entre le 4e et le 5e siècle, vous avez aussi des trépanations? Alors sur le même site donc, de cette population du 4e, 5e siècle, il y a aussi un individu adulte qui a subi une pratique de trépanation. Alors là, c'est cumulé sur un même site, avoir effectivement ces interventions de type déformation volontaire plus une trépanation, il faut surtout voir ça comme des populations qui ont des connaissances pas simplement empiriques, hein, souvent le mot il dégrade, enfin on va dire un petit peu le type de connaissances qu'il faut pour pratiquer ces interventions. Là, on a vraiment une bonne connaissance de l'anatomie, du développement du crâne, et donc là pour les trépanations, c'est probablement une mode d'intervention chirurgicale pour corriger, alors on ne le sait pas encore parce qu'il n'y a pas eu de radiographie sur ce crâne, mais peut-être une fracturation intervenue à l'occasion d'un combat, par exemple. Et la déformation intentionnelle, est-ce qu'elle ne pourrait pas créer des troubles neurologiques? Alors du coup, non, parce que vraiment, on s'arrange pour compenser le développement du cerveau. Donc là où on l'empêche, eh bien, on permet aussi qu'il se développe ailleurs, à un autre endroit. Donc pas de souci, il n'y a pas de lésion neurologique. Ce qu'on a voulu vraiment travailler, hein, si je puis dire, un peu entre guillemets quand même, c'est l'image de l'individu vue de l'extérieur. C'est-à-dire quand vous évoquiez les aliens, moi je vous ai regardé de face quand même, j'ai regardé votre front, mais là imaginez cette personne en face de vous, il y a un front vraiment très développé, il y a un caractère quand même impressionnant, et là c'est forcément ça qui est voulu, qui est recherché. En tout cas, l'ensemble du crâne se réorganise, entraînant des modifications secondaires, notamment l'accroissement de la hauteur des orbites, et alors, tout le reste. Du coup, bah forcément, là on modifie quand même la forme générale de la de la voûte du crâne. Alors c'est surtout la voûte qui est travaillée. Il y a une augmentation de la longueur du front. Hein, et donc effectivement, de face, on a une impression de front très haut. Alors, il y a des petites concavités qui vont perdurer à l'âge adulte, qui sont l'empreinte en fait des bandages qui étaient utilisés pour pratiquer cette déformation. Et puis parfois, ces déformations peuvent être aussi involontaires. C'est le cas, je crois, aux environs de Toulouse. Alors oui, du coup, c'est ça qui est un petit peu amusant. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure que ces déformations artificielles, elles existent dans le monde entier, mais on peut classer ces déformations entre celles qui sont volontaires, alors ça serait le cas pour nos populations à retrouver à Aubernais, mais elles peuvent être aussi involontaires. Ça peut être un mode de bandage de l'enfant, hein, du nouveau-né, qui va être accroché parfois même sur des planches, en fait. Et effectivement, là, la déformation n'est pas voulue à l'origine, elle est simplement liée à une pratique d'emmaillotage de l'enfant. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît en France au 19e et encore au 20e siècle. On peut avoir des photos de gens qui ont vécu tout à fait sur le territoire national et qui vont présenter ces déformations. Et on pourrait, en enlevant peut-être la chemise, retrouver l'image de nos populations d'Alain ou Sarmat. Donc rien à voir en tout cas avec les Mérovingiens. Jaroslav Lebedinsky, on attribue en Europe cette déformation au 1. Est-ce que c'est réellement le cas ? C'est réellement le cas, mais c'est une vision un peu réductrice, parce qu'en réalité, ce type de pratique a pénétré en Europe avec la dernière vague de migration des Sarmates et des Alains, au deuxième siècle de notre ère. Elle est très fréquente dans ce qu'on appelle la culture sarmate tardive des deuxième, quatrième siècles. Ensuite, c'est une pratique qui avance vers l'ouest au fil des migrations, et que les Huns ont probablement emprunté à une population d'Asie centrale ou aux Sarmates et à l'Ain eux-mêmes. En tout cas, les premières populations pratiquant la déformation crânienne qui pénètrent en Occident sont des Sarmates et des Alains. Il y aura plus tard les Burgondes en Savoie ou en Bourgogne, par exemple. Alors, le cas des Burgondes est très contesté parce qu'il y a un groupement de crânes déformés dans la région rhodanienne, ce qu'on appelle le groupe rhodanien, qui a été identifié dans les années 1950 à des Burgondes ou peut-être à des métis de Huns et de Burgondes. Métis d'ailleurs tout à fait imaginaires sur le plan historique. Aujourd'hui, on tend plutôt à y voir, là encore, des Sarmates ou des Alains, inclus peut-être dans la fédération Burgonde, puisqu'on ne parle pas de peuple au sens strictement ethnique, mais d'ensemble politique. Militaire. Jaroslav Lebedinsky, doit-on voir au travers de ce simple crâne l'arrivée de populations barbares s'implantant en France, ou du moins en Alsace, peut-être des Alains de Germanie franchissant tout simplement le Rhin gelé ? Eh bien, c'est très probable. Alors, ce n'est pas le premier cas du genre, puisqu'il y a déjà plusieurs trouvailles qui nous renvoient à ces cultures, mais c'est la première fois qu'on trouve les traces d'une communauté complète, implantée durablement sur un même territoire, ce qui est très important. Ça multiplie notre corpus par 3 ou 4, puisque ces découvertes sont quand même relativement rares. Et il s'agit là à voir donc ce mobilier, notamment ce miroir très caractéristique et cette pratique de modelage crânien. Il s'agit là d'une population vraisemblablement Alain ou Sarmate, venue d'Europe centrale ou orientale, en suivant ce grand courant de migration que représentent les invasions des 4e, 5e siècles. Alors, qui sont les Alains, les Sarmates où est leur exacte origine? On la sait, on la connaît, on arrive à la tracer au niveau de l'archéologie, de l'histoire? Oui, bien que ce soit quelque peu difficile à résumer en quelques mots, il s'agit de populations de culture nomade, de langue iranienne, de type europoïde, qui ont occupé les steppes d'Europe orientale et centrale entre le Danube et l'Oural, en fait, pendant les derniers siècles avant notre ère et pendant les premiers siècles de notre ère. Donc une très longue histoire faite de recompositions, de modifications, de migrations, etc. Mais avec une continuité culturelle qui est assez forte et qui justifie qu'on les couvre d'une même étiquette. Et les Alains représentent la dernière vague de ces peuples nomades de langue iranienne. Ils apparaissent au 1er siècle de notre ère. Ils sont signalés par les sources romaines au 1er siècle. Et il faut les voir comme des cavaleries légères avec arc ou tout au contraire une sorte d'armée assez lourde, toujours à cheval? Les deux, et c'est d'ailleurs la spécificité des Sarmato-Alains, c'est qu'ils ajoutent à la cavalerie traditionnelle des nomades, qui est une cavalerie légère, d'archers montés, qui agit par le harcèlement, une cavalerie lourde de lanciers cuirassiers, maniant une lance longue, une lance qui peut mesurer 4 mètres ou 4 mètres 50, d'après les reconstitutions, qui est tenue à deux mains et qui constitue l'arme de choc au moment décisif de la bataille. Et ce qui est intéressant, c'est que ces Alains ont une propension à la sédentarisation et ils s'implantent même en Gaule, curieusement. ce sont des gens extrêmement souples et qui s'adaptent à toutes sortes de situations et que pendant toute la période des invasions, on retrouve agissant dans différents camps et associés à différentes autres populations. Ils sont les ennemis ou les alliés des Romains, ils sont également les alliés des Goths, des Burgondes, des Vandales, etc. Et en Gaule même, les sources signalent au moins deux implantations permanentes d'Alain au nord de la Loire et dans la région de Valence. Et on sait que ces Alains du nord de la Loire avaient été cantonnés précédemment dans l'est de la Gaule. En tout cas, entre 407 et 409, ils dévastent la Gaule romaine avec Mayence, mais aussi Strasbourg, Tournai. Là, on est au cœur, on est tout près d'Aubernais. Absolument, et dans la mesure où une partie de ces Alains est passée immédiatement, c'est-à-dire dès le début de l'année 407, au service des Romains et a été cantonnée dans la région, donc en fait en Gaule orientale, il est possible qu'il existe un lien avec cette petite nécropole d'Aubernest, en tout cas l'une des hypothèses qui peuvent se considérer. Est-ce que l'on peut réellement parler d'une civilisation des steppes ? Et pourquoi ne pourrait-on pas parler d'une civilisation des steppes ? Parce qu'ils n'ont pas la ville, bien sûr. Voilà, alors c'est ce terme de civilisation qui est extrêmement gênant en français, puisque ça renvoie bien sûr, comme la politique et d'autres concepts, à la ville et à l'urbanisation. En fait, il est indéniable qu'il s'agit d'une civilisation totalement différente, bien sûr, de la civilisation sédentaire telle qu'on la connaît en Occident, qui s'est développée pendant une très longue durée, puisqu'elle apparaît au début du premier millénaire avant notre ère, et que je vous rappelle qu'elle existe encore. Sous des formes résiduelles dans des pays comme la Mongolie ou le Kazakhstan. Et que les Russes arriveront à les arrêter uniquement avec des fusils, c'est bien ça ? Les Russes d'un côté, les Chinois de l'autre, là aussi avec des armes à feu. Est-ce que cette transformation crânienne, ce ne serait pas tout simplement l'affirmation de la différenciation du champ social, juste montrer qu'on est différent, qu'on appartient à l'élite ? Et avec Boaz, du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir à qui on fait ces déformations. Donc là, on la voit au Bernay, c'est une jeune fille de 12 ans. On voit donc que c'est pas tout le monde. On voit que c'est parfois quand même des individus qui sont bien mis en valeur, on va dire, dans l'ensemble funéraire, par les objets qu'on va associer dans leur tombe. On peut penser quand même qu'effectivement, c'est réservé à une catégorie de population, une élite, oui, probablement. Yaroslav Lebedinsky. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça ne concerne jamais qu'une partie de la population. Par exemple, dans cette culture sarmate tardive, sur la Volga, sur l'Oural, au 2e, 4e siècle, on a une proportion importante de crânes modelés ou déformés, mais ça ne touche pas la totalité de la population. Et on a cette mention curieuse d'un auteur antique qui nous dit que telle tribu sarmate, qui résidait à l'époque au nord du Caucase, donnait la couronne au personnage qui avait la tête la plus longue. Et on peut se demander si ça n'est pas une façon de faire un rapport entre le caractère aristocratique de tel ou tel clan et la pratique de la déformation crânienne. Aujourd'hui, les Alains ont bien sûr disparu. Il faut peut-être les rechercher leurs descendants chez les Ossètes, en Ossétie, c'est bien ça ? Mais oui, c'est d'ailleurs ce qu'affirment les Ossètes eux-mêmes, dont la République d'Ossétie du Nord, qui est une partie de la Fédération de Russie, a été rebaptisée Alanie, après la chute de l'Union soviétique. Et les Ossètes conservent effectivement le dernier parlé alain vivant, donc cette langue iranienne, qui était parlée autrefois dans toutes les steppes, et conservent également beaucoup de traits culturels archaïques, et tout un ensemble de légendes épiques, dont la strate la plus ancienne semble remonter à l'Antiquité sarmate et hellène. Éric Bouès, Yaroslav Lebedinsky, merci. Yaroslav Lebedinsky, vous avez beaucoup publié sur les Sarmates, les Alains et toute cette civilisation des steppes. Votre dernier livre sur les traces des Alains et des Sarmates en Gaule, publié chez L'Harmattan. Et puis, je crois que vous pourrez retrouver aussi ce site d'Aubernais, cette population mérovingienne, dans la revue Archéologia, dont le Salon Noir est désormais partenaire. Mardi prochain, à 15h30, le Salon Noir sera consacré à l'archéologie de la Grande Guerre. Le Salon Noir, bien sûr, réalisé par Vanessa Nedjar, à la technique d'Ali Yaya, attaché d'émission Catherine Denet.